Progresse à grands pas de néant, bien l'envie de revoir l'océan. Comme l'albatros déploie ses ailes de géant, j'ai besoin de voler dans le vent. Au-delà des gouffres amers, je vole au-dessus de la mer. Je me moque de vos maisons, ma maison à moi, l'horizon. Je me moque de vos masures, car je suis le roi de l'azur. Bateau rame ou peine à démarrer, je n'ai pas le souci des marées. Au-delà des gens qui noircissent les plages, moi je glisse au-dessus des nuages. Loin des cales et des bateaux ivres, sans aucune escale, je n'ai libre, je vogue au milieu du grand ciel, ma route à moi, l'arc-en-ciel. L'oiseau qui par terre était si maladroit, là-haut dans le ciel est devenu le roi. L'oiseau qui par terre était si maladroit, là-haut dans le ciel, est devenu le roi.